Second chapitre. Un jour, vers la fin du mois d'avril, Fritz Cobus s'était levé de grand matin pour ouvrir ses fenêtres sur la place des Acacias, puis il s'était recouché dans son lit bien chaud, la couverture autour des épaules, le duvet sur les jambes, et regardait la lumière rouge à travers ses paupières, en bâillant avec une véritable satisfaction. Il songeait à différentes choses et de temps en temps entr'ouvrait les yeux pour voir s'il était bien éveillé. Dehors, il faisait un de ces temps clairs de la fonte des neiges où les nuages s'en vont, où le toit en face, les petites lucarnes miroitantes, la pointe des arbres, enfin tout vous paraît brillant, où l'on se croit redevenu plus jeune parce qu'une sève nouvelle court dans vos membres, et que vous revoyez des choses cachées depuis 5 mois. Le pot de fleurs de la voisine, le chat qui se remet en route sur les gouttières, les moineaux criards qui recommencent leur bataille. De petits coups de vent tiède soulevaient les rideaux de Fritz et les laissèrent tomber. Puis, aussitôt après, le souffle de la montagne, refroidi par les glaces qui s'écoulent lentement à l'ombre des ravines, remplissait de nouveau la chambre. On entendait au loin, dans la rue, les commères rire entre elles, en chassant à grands coups de balai la neige fondante le long des rigoles, les chiens aboyer d'une voix plus claire et les poules caqueter dans la cour. Enfin, c'était le printemps. Cobus, à force de rêver, avait fini par se rendormir quand le son d'un violon pénétrant et doux comme la voix d'un ami que vous entendez vous dire après une longue absence « Me voilà, c'est moi !» le tira de son sommeil et lui fit venir les larmes aux yeux. Il respirait à peine pour mieux entendre. C'était le violon du bohémien Joseph qui chantait accompagné d'un autre violon et d'une contrebasse. Il chantait dans sa chambre derrière ses rideaux bleus et disait « C'est moi, Cobus, c'est moi ton vieil ami !» Je te reviens avec le printemps, avec le beau soleil. Écoute, Cobus, les abeilles bourdonnent autour des premières fleurs. Les premières feuilles murmurent. La première alouette gazouille dans le ciel bleu. La première caille court dans les sillons. Et je reviens t'embrasser. Maintenant, Cobus, les misères de l'hiver sont oubliées. Maintenant, je vais encore courir de village en village joyeusement dans la poussière des chemins ou sous la pluie chaude des orages. Mais je n'ai pas voulu passer sans te voir, Cobus. Je viens te chanter mon chant d'amour, mon premier salut au printemps. » Tout cela, le violon de Joseph le disait, et bien d'autres choses encore plus profondes, de ces choses qui vous rappellent les vieux souvenirs de la jeunesse et qui sont pour nous seuls. Aussi le joyeux Cobus en pleurait d'attendrissement. Enfin, tout doucement, il écarta les rideaux de son lit, pendant que la musique allait toujours plus grave et plus touchante, et il vit les trois bohémiens sur le seuil de la chambre et la vieille Catel derrière sous la porte. Il vit Joseph, grand, maigre, jaune, déguenillé comme toujours, le menton allongé sur le violon avec sentiment, l'archet frémissant sur les cordes avec amour, les paupières baissées, ses grands cheveux noirs laineux recouverts du large feutre en loques, tombant sur ses épaules comme la toison d'un mérinos et ses narines aplaties sur sa grosse lèvre bleuâtre retroussée. Il le vit ainsi, l'âme perdue dans sa musique, et près de lui, Koppel le bossu, noir comme un corbeau, ses longs doigts osseux, couleur de bronze, écarquillés sur les cordes de la basse, le genou rapiécé en avant et le soulier en lambeaux sur le plancher. Et plus loin, le jeune Andrés, ses grands yeux noirs entourés de blanc, levés au plafond d'un air d'extase. Fritz vit ces choses avec une émotion inexprimable. Et maintenant, il faut que je vous dise pourquoi Joseph venait lui faire de la musique au printemps et pourquoi cela l'attendrissait. Bien longtemps avant, un soir de Noël, Cobus se trouvait à la brasserie du Grand Cerf. Il y avait 3 pieds de neige dehors. Dans la grande salle, pleine de fumée grise, autour du grand fourneau de fonte, les fumeurs se tenaient debout. Tantôt l'un, tantôt l'autre s'écartait un peu vers la table pour vider sa chope, puis revenait se chauffer en silence. On ne songeait à rien. quand un bohémien entra les pieds nus dans des souliers troués. Il grelottait et se mit à jouer d'un air mélancolique. Fritz trouva sa musique très belle. C'était comme un rayon de soleil à travers les nuages gris de l'hiver. Mais derrière le bohémien, près de la porte, se tenait dans l'ombre le Wartmann fou, avec sa tête de loup à l'affût, les oreilles droites, le museau pointu, les yeux luisants. Cobus comprit que les papiers du bohémien n'étaient pas en règle et que Fou l'attendait à la sortie pour le conduire au violon. C'est pourquoi, se sentant indigné, il s'avança vers le bohémien, lui mit un thaler dans la main et, le prenant bras-dessus, bras-dessous, lui dit « Je te retiens pour cette nuit de Noël, arrive !» Ils sortirent donc au milieu de l'étonnement universel et plus d'un pensa « Ce Cobus est fou d'aller bras-dessus avec un bohémien, c'est un grand original !» Fou, lui, les suivait en frôlant les murs. Le bohémien avait peur d'être arrêté, mais Fritz lui dit « Ne crains rien, il n'osera pas te prendre !» Il le conduisit dans sa propre maison, où la table était dressée pour la fête du Christkind. L'arbre de Noël au milieu sur la nappe blanche, et tout autour, le pâté, les kurlen saupoudrés de sucre blanc, le kugelhof aux raisins de caisse rangés dans un ordre convenable. Trois bouteilles de vieux Bordeaux chauffaient dans des serviettes sur le fourneau de porcelaine à plaques de marbre. « Katel, va chercher un autre couvert !» dit Cobus en secouant la neige de ses pieds. « Je célèbre ce soir la naissance du sauveur avec ce brave garçon. » Et si quelqu'un vient le réclamer, gare !» La servante ayant obéi, le pauvre bohémien prit place, tout émerveillé de ces choses. Les verres furent remplis jusqu'au bord, et Fritz s'écria « À la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu des bons cœurs !» Dans le même instant, Fou entrait. Sa surprise fut grande de voir le Tziegener assis à table avec le maître de la maison. Au lieu de parler haut, il dit seulement « Je vous souhaite une bonne nuit de Noël, monsieur Cobus. C'est bien. Veux-tu prendre un verre de vin avec nous ?»« Merci, je ne bois jamais dans le service. Mais connaissez-vous cet homme, monsieur Cobus ?»« Je le connais et j'en réponds. » »« Alors, ces papiers sont en règle. » Fritz n'en put entendre davantage. Ses grosses joues pâlissaient de colère. Il se leva, prit rudement le Wartmann au collet et le jeta dehors en criant « Cela t'apprendra à entrer chez un honnête homme la nuit de Noël !» Puis il vint se rasseoir et comme le bohémien tremblait « Ne crains rien !» lui dit-il. « Tu es chez Fritz Cobus. Bois, mange en paix si tu veux me faire plaisir !» Il lui fit boire du vin de Bordeaux et sachant que Fougue était toujours dans la rue malgré la neige, il dit à Katel de préparer un bon lit à cet homme pour la nuit, de lui donner le lendemain des souliers et de vieux habits, et de ne pas le renvoyer sans avoir eu soin de lui mettre encore un bon morceau dans la poche. Fou attendit jusqu'au dernier coup de la messe. Puis il se retira, et le bohémien, qui n'était autre que Josef, étant parti de bonne heure, il ne fut plus question de cette affaire. Cobus lui-même l'avait oublié. Quand au premier jour du printemps de l'année suivante, étant au lit un beau matin, il entendit à la porte de sa chambre une douce musique. C'était la pauvre alouette qu'il avait sauvée dans les neiges et qui venait le remercier au premier rayon de soleil. Depuis, tous les ans, Joseph revenait à la même époque, tantôt seul, tantôt avec un ou deux de ses camarades, et Fritz le recevait comme un frère. Donc, Cobus revit ce jour-là son vieil ami le bohémien, ainsi que je viens de vous le raconter. Et quand la basse ronflante se tut, quand Josef, lançant son dernier coup d'archet, leva les yeux, il lui tendit les bras derrière les rideaux en s'écriant « Josef !» Alors le bohémien vint l'embrasser, riant en montrant ses dents blanches et disant « Tu vois, je ne t'oublie pas, la première chanson de l'alouette est pour toi. » « Oui, et c'est pourtant la dixième année !» s'écria Cobus. Ils se tenaient les mains et se regardaient, les yeux pleins de larmes. Et comme les deux autres attendaient gravement, Fritz partit d'un éclat de rire et dit « Joseph, « Passe-moi mon pantalon !» Le bohémien ayant obéi, il tira de sa poche 2 thalers. « Voici pour vous autres, » dit-il à Coppel et à Andrés. « Vous pouvez aller dîner aux 3 pigeons. Joseph dîne avec moi. » Puis, sautant de son lit, tout en s'habillant, il ajouta. « Est-ce que tu as déjà fait ton tour dans les brasseries, Joseph ?»« Non, Cobus. » « Eh bien, dépêche-toi d'y aller, car à midi juste, la table sera mise. Nous allons encore une fois nous faire du bon sang. Ha, ha, ha, le printemps est revenu. Maintenant, il s'agit de bien le commencer. Cacle, cacle !»« Alors, je m'en vais tout de suite, » dit Joseph. « Oui, mon vieux, mais n'oublie pas, midi !» Le bohémien et ses 2 camarades descendirent l'escalier et Fritz, regardant sa vieille servante, lui dit avec un sourire de satisfaction. « Eh bien, Cattel, voici le printemps. Nous allons faire une petite noce. Mais attends un peu, commençons par inviter les amis. » Et se penchant à la fenêtre, il se mit à crier. « Ludwig ! Ludwig ! » Un bambin passait justement. C'était Ludwig, le fils du tisserand Koffel, sa tignasse blonde ébouriffée et les pieds nus dans l'eau de neige. Il s'arrêta le nez en l'air. « Monte !» lui cria Cobus. L'enfant se dépêcha d'obéir et s'arrêta sur le seuil, les yeux en dessous, se grattant la nuque d'un air embarrassé. « Avance donc, écoute ! Tiens, voilà d'abord 2 groschen. » Ludwig prit les 2 groschen et les fourra dans la poche de son pantalon de toile en se passant la manche sous le nez comme pour dire « c'est bon ». « Tu vas courir chez Frédéric Schultz dans la rue du Plat d'Étain et chez Monsieur le Percepteur Hahn à l'hôtel de la Cigogne. Tu m'entends ?» Ludwig inclina brusquement la tête. « Tu leur diras que Fritz Cobus les invite à dîner pour midi juste. » « Oui, Monsieur Cobus. » « Attends donc, il faut que tu ailles aussi chez le vieux Rebbe David et que tu lui dises que je l'attends vers 1 heure pour le café. Maintenant, dépêche-toi !» Le petit descendit l'escalier 4 à 4. Cobus, de la fenêtre, le regarda quelques instants remonter la rue Bourbeuse, sautant par-dessus les ruisseaux comme un chat. La vieille servante attendait toujours. « Écoute, Cattel, » lui dit Fritz en se retournant, « tu vas aller au marché tout de suite. » Tu choisiras ce que tu trouveras de plus beau en fait de poisson et de gibier. S'il y a des primeurs, tu les achèteras, n'importe à quel prix. L'essentiel est que tout soit bon. Je me charge de dresser la table et de monter les bouteilles. Ainsi, ne t'occupe que de ta cuisine. Mais dépêche-toi, car je suis sûr que le professeur Speck et tous les autres gourmands de la ville sont déjà sur la place. À marchander les morceaux les plus délicats.